sont interdites et les déplacements vers d'autres régions sont non recommandés. Des mesures plus restrictives et ciblées ont été mises en place pour freiner la propagation et éviter un reconfinement. Informez-vous sur québec.ca/coronavirus. Continuez de vous laver les mains, de garder une distance de 2 mètres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. On doit réagir maintenant. Un message du gouvernement du Québec. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale, votre magazine radio sur les arts visuels à Québec, sur les ondes de CKRL 89.1. Myriam Leland au micro de notre enregistreuse numérique parce qu'on vous prépare une autre émission pré-enregistrée. Gentillane La France avec moi sur un banc de parc. Oui, à notre rendez-vous au parc Père Marquette. Oui, exactement. Ce soir à l'émission, moi, j'ai profité de ma semaine de vacances pour aller me promener un petit peu du côté de Lévis. On le fait pas assez souvent. Malheureusement, regard est fermé, mais j'ai eu droit à une petite visite VIP de l'exposition qui s'y trouve en ce moment. Je ne dévoilerai pas mes sources. Avec la carte de presse, on peut tout faire. Exactement. Mais j'en ai profité pour aller me absorber l'art public qui se trouve au Quai Paquet, à la gare fluviale. Ben oui, il y a quelques œuvres d'art actuelles. Oui, là. Exactement. Donc, je vous ai préparé une petite chronique, là, un petit parcours comme ça d'art public pour profiter encore de l'automne qu'on a. Gentillane, toi, tu nous prépares une entrevue. Oui, c'est ça. Ce soir, je vais rencontrer Mathieu Valade. Oui. Pour parler de sa résidence à la Chambre Blanche, mais aussi de son exposition à venir à la Galerie 3, qui débute vendredi. Moi, j'imagine qu'il y a des liens aussi entre les deux événements dans la vie de Mathieu Valade. Oui. Et on a notre chroniqueuse Héloïse Plamondon-Pagé qui revient. Oui. À l'aérospatiale. Et donc, c'est une renouvelle chroniqueuse. Oui, sa première de la saison, par contre. Oui, et elle va nous parler de ce qui s'est passé cet été pour le Musée ambulant, cet organisme qu'on aime beaucoup, beaucoup. Oui, c'est ça. Héloïse aussi avait très hâte de nous en parler, puis elle en profite pour passer en entrevue. Sarah Bélanger-Martel, qui est une co-directrice du Musée ambulant, qui avait déjà remplacé, si vous vous souvenez, chers auditeurs et auditrices, il y a quelques années, lorsque Audrey a eu son congé de maternité. Ah. Et elle avait animé l'aérospatiale pour quelques mois. Puis on a une belle sélection audio cette semaine. Notre expert conseiller musical, Simon Roy, nous propose la musique de Natation, qui se décrit comme, j'aime beaucoup leur définition, leur autodéfinition, ils se décrivent comme un groupe new wave, disco, punk, rock, déjeuner dansant. C'est un groupe de Montréal, un beau petit mélange. Ce soir, on écoute l'album Blurred Visions, qui est sorti en décembre 2018. Dans le fond, c'est cette année-là, pendant l'année 2018, le groupe s'était donné le défi de lancer une chanson à chaque 15e jour du mois. Puis cet album-là, en fait, regroupe toutes les chansons, donc les 12 chansons de l'année 2018. Et c'est disponible sur Bandcamp. On se laisse déjà sur une pause audio avec la piste Hypnose. Puis au retour, je vous fais un petit parcours audio d'art public à Lévis. Dans le noir, se apparu sous un périscope. Les couleurs sont regard dans le noir. Nous sommes de retour à l'Aérospatiale, votre magazine sur les arts visuels à Québec. J'entends la France avec vous. Et Myriam a décidé de nous faire un petit parcours art public de l'autre côté du fleuve. Oui, c'est ça. Ben, j'étais un petit peu en manque d'activité. J'ai eu la brillante idée de prendre une semaine de vacances au début octobre sans savoir qu'on aurait un deuxième confinement. Donc, ça, j'avais envie là, d'aller voir de l'art, puis malheureusement, il n'y a pas grand-chose d'ouvert, donc j'en ai profité pour aller me promener une de ces belles journées d'automne au Quai Paquet. Donc, j'ai pris le traversier et déjà, en sortant de la gare fluviale, ben, on a l'œuvre de Cooksasville. Donc, je mentionnais tantôt que j'étais allée faire un petit tour à regard. Si on a de la chance, peut-être que d'ici l'hiver, ça pourra réouvrir. On le souhaite. Oui, mais vous pouvez quand même aller visiter le site web, suivre les réseaux sociaux pour avoir une petite idée de ce qui peut s'y passer. Oui, on peut toujours voir l'œuvre en vitrine à regard qui est visible de l'extérieur, donc c'est un exactement. Un plus. Oui, c'est ça. Puis, ben, comme je disais, dès qu'on sort de la gare fluviale, il y a l'œuvre L'attraction de Cooksasville. Donc, ce sont ces deux gros aimants. Les aimants là, de cartoon là, en U, rouge. Avec les bougris. Exactement. Donc, c'est assez gros, plus grand que grandeur d'homme. Dans le fond, ben, moi j'y voyais le parcours du traversier. Je trouvais ça assez intéressant. Mais comme c'est évident qu'il y a un clin d'œil entre Québec et Lévis. Oui, c'est ces deux aimants-là qui s'attirent et se repoussent exact. À la fois. Puis, je trouvais qu'artistiquement aussi, ça c'était assez parlant du milieu artistique de Québec, parce que Lévis, bien que ça fasse partie d'une région administrative différente, j'ai un peu enfreint les recommandations gouvernementales pour sortir de ma région. Ça reste que ça fait vraiment partie du monde culturel de Québec. Justement, le traversier, c'est pas très long, une dizaine de minutes, on se retrouve déjà de l'autre côté. Mm-hmm. Il y a Regard, il y a l'Esplanade, il y a des belles œuvres d'art public. Le Vieux Lévis aussi, si on se donne la peine de monter les escaliers, qui est quand même très intéressant. Et je trouvais, moi, c'est vraiment ce qui me sautait aux yeux avec cette œuvre-là, les deux pôles, justement, du monde culturel de Québec qui se rejoignent dans une embrasse assez romantique. Puis la couleur est assez impressionnante aussi. Souvent, sur le bord de l'eau comme ça, c'est plutôt gris, surtout en automne, même quand il fait beau. Puis le rouge vient vraiment attirer notre attention, puis attirer l'œil, puis c'est assez éclatant. Puis ensuite, ben, j'ai continué ma petite marche sur l'esplanade du Quai Paquet devant la fontaine qui ne fonctionnait pas, vous en doutez. Mais ça m'a permis de me concentrer sur l'œuvre de Yann Farley qui s'intitule « L'articulation des lieux ». Qui est toute nouvelle. Là, toute qui nouvelle 2019. Tout juste d'être installée. Exactement. C'est de l'aluminium, acier inoxydable. Ce que j'ai trouvé très intéressant de cette œuvre-là, c'est que quand on arrive justement de la gare fluviale et qu'on regarde au loin sur l'esplanade, il y a un genre de paysagement qui est constitué de trois marches, si je peux dire comme ça, avec du béton et du gazon, qui se termine en pointe. Puis juste derrière, il y a l'œuvre de Yann Farley, mais ça fait en sorte que quand on arrive de la gare, ça donne l'impression que l'œuvre de Yann Farley, c'est la figure de proue de Lévis. Ça donne... Je l'avais jamais vu comme ça. C'est vraiment, ça m'a sauté aux yeux. Puis justement, peut-être parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens, peut-être parce qu'il n'y avait pas la fontaine, mais ça m'a donné une autre vision de cette œuvre-là, justement. Ça donne vraiment l'impression que c'est une figure de proue puis qui se trouve à la pointe de ces marches-là. Puis avec tout le paysage de Lévis qui monte, ça donne l'impression que c'est un énorme bateau puis que la figure de proue est là. Par contre, on est loin des sirènes sculptées en bois. Mais il y a quand même des formes organiques. Exactement. Mm-hmm. Puis j'écoutais une petite entrevue justement de Yann Farley à ce sujet-là. C'est vraiment dans sa démarche justement d'essayer d'humaniser la technologie, si je peux dire ça comme ça. Okay. C'est ce que j'ai tiré de cette entrevue-là, c'est que tout ce qui est mécanique, technologique, électronique, ça l'inspire beaucoup, mais il y a cet aspect-là, justement, d'enlever le genre de froideur à la technologie, puis ça venait vraiment se coller à l'histoire de ce lieu-là, parce que c'est un parc industriel, mais c'est très touristique aussi. Maintenant, bon, on n'a plus vraiment cet aspect-là industriel, mais quand on regarde autour, par contre, ça le reste. Toutes les rives du Saint-Laurent, dans ce secteur-là, ont un passé industriel. Exactement. Il y avait des usines là, qui étaient installées tout au long. Oui, c'est ça. Ben, c'est l'apanage des cours d'eau. Ça servait et ça sert encore justement aux activités économiques. Puis là, on a le quai Paquet, l'esplanade comme ça, qui est touristisé, si je peux me permettre l'invention d'un mot, qui est rendu touristique. Puis, c'est ça, cette œuvre-là, je trouve, vient vraiment joindre les deux bouts, le passé plus industriel, le présent qui est plus humain, justement, plus touristique, disons, parce qu'il y a des humains derrière l'industrie, bien sûr. Puis, dans cette entrevue-là que j'écoutais aussi avec Yann Farley, que vous pouvez trouver sur son site web facilement, sur la page de ce projet-là. Puis, justement, il explique que ça l'intéresse un peu d'avoir ce contraste-là entre une statue, une sculpture, en fait, qui est statique, justement, qui est passive, qui ne bouge pas, mais d'avoir un aspect qui est interactif. Donc, vraiment, d'inviter les gens à toucher, à regarder. Il y a la réflexion de l'aluminium aussi, des genres de demi-sphères chromées que quand on est près de la sculpture, on se voit dedans avec l'immensité du ciel aussi, parce que comme c'est convexe, je sors mes maths du primaire, comme c'est convexe, on se voit, mais avec une réflexion un peu élargie, mais on se voit plus petit aussi. Et on se voit dans le paysage. On se voit dans le paysage aussi, mais tout en petitesse, donc il y a plusieurs couches à observer de cette œuvre-là. Puis, comme vous voyez, on pourrait en parler longtemps. Je vous invite vraiment à aller l'observer, puis l'observer à différentes saisons, avec différentes personnes, différents éclairages aussi. Il y a toujours quelque chose qu'on peut y trouver. Et un peu plus loin, c'est l'œuvre Les Fûts de François Mathieu, qui est une œuvre de 2016, qui est un peu, qui est pas sur le quai Paquet en tant que tel, qui est un petit peu plus loin. Oui, c'est ça. Ben, c'est sur le quai Paquet, mais pas sur l'esplanade qui a été réaménagée. Il faut passer un petit peu plus loin, justement, mais pas très loin, là, vraiment. Puis ce sont, en fait, c'est une œuvre en bronze. Ce sont trois boules de bronze avec des tiges, donc les fûts, justement, qui s'élancent en hauteur. Puis ça donne un peu l'impression, on se dit, mais comment ça fait pour tenir? Parce que la base, c'est vraiment une boule, puis avec un, j'imagine, beaucoup de d'ingéniosité, ça a été implanté dans le sol, donc ça ne bouge pas, mais ça donne l'impression que ça va prendre dans le vent puis se renverser à tout moment. Mm-hmm. Donc, puis c'est vraiment quelque chose que François Mathieu a essayé d'exploiter dans cette œuvre-là. Ben oui, il y a un très, très beau contraste entre la solidité et la fragilité. Oui. Puis en même temps, c'est des bronzes, on sait que c'est solide. Exactement, mais avec la forme, on peut pas s'empêcher de se dire, ben non, ça se peut pas que ça tienne. Ça parce que c'est très, très fin, là. Exactement. Les fûts. Ouais. Oui, c'est ça. Ça fait penser, ben d'ailleurs, c'est un peu ce qui était à la base de ce concept-là. Ça fait penser à des brins d'herbe un peu qui s'élancent, qui prennent dans le vent. Puis, justement, il y a un beau message, une belle réflexion sur la résilience dans cette œuvre-là. Tu l'as mentionné, le contraste fragilité, solidité, stabilité. Puis, il y avait cette idée-là derrière la création de cette œuvre-là, de quelque chose qu'on coupe et qui revient sans cesse dans les craques du trottoir, dans... Le chien dent dans le jardin. Exactement. Donc, cette idée-là de la résilience des mauvaises herbes, si on peut dire ça ainsi. Et on prend une pause musicale avec la pièce « Siri », toujours du groupe Natation. Merci Myriam pour cette belle chronique. s'appelle Siri. Siri, l'araignée. Elle ne se laisse jamais faire. Parfois un peu dur d'oreille. Elle le pâte de la main. Elle est de toutes les soirées. La nuit, elle sort pour marcher et regarder dans les appartements. Elle aime la décoration. Dans le code, mission, robot, les sciences sociales. Elle est une efforeuse, tu es une mine un peu différente de chaque fois. Et ça, c'est fort, les vols dans la toile. Et ça se fort, les vols dans la toile. Et ça se fort, les vols dans la toile. Et ça se fort, les vols dans la toile. Alors, bonjour tout le monde. Pour ma première chronique de l'automne à l'aérospatiale, je vais m'entretenir avec Sarah Bélanger-Martel, qui est la directrice du Musée Ambulant, un organisme bien dynamique qui s'illustre dans la région de Québec depuis ses tout débuts en 2017. Et Sarah, parle-nous donc un peu du Musée Ambulant pour les personnes qui connaissent pas encore l'organisme. Ben oui, avec plaisir. Donc le Musée Ambulant, c'est un vrai petit musée, c'est un musée qui se déplace. On est un musée qui présente des œuvres d'art visuel dans différents contextes. Donc on se promène depuis 2017 sur les routes du Québec. On est actif dans la région de Québec pas mal, mais on va sur la Basse-Côte-Nord, en Abitibi, on se promène vraiment partout avec l'idée d'amener des œuvres vers le public, puis de faire un peu tomber les barrières qui peuvent exister justement entre les œuvres d'art, puis les différents publics, que ce soit les tout-petits, les jeunes dans les écoles, jusqu'aux personnes âgées dans les CHSLD. Donc, il y a des contraintes qui sont géographiques, physiques, il y en a qui sont culturelles, économiques, mais on essaie de faire tomber toutes ces barrières-là en proposant des activités de médiation. Donc, la médiation, là, pour ceux et celles qui sont peut-être pas familiers avec ce terme-là, c'est vraiment l'idée de favoriser la rencontre entre les œuvres d'art puis le public. Donc, nos activités vont amener les gens, les jeunes, les moins jeunes, à dialoguer, à parler autour des œuvres, à vivre une expérience le plus riche possible, puis aussi à créer en lien avec les œuvres, parce que pour nous, la création, c'est un peu une porte d'entrée vers mieux comprendre comment l'artiste travaille, quel choix il ou elle a fait. Donc, il y a toujours un petit peu de création aussi dans nos activités. Ben oui, certainement, c'est super important ça. Puis, quel type d'œuvre d'art est-ce que vous présentez à vos différents publics? Ben, chaque projet est pensé sur mesure un peu pour les différents milieux où on s'insère. Donc, si on va voir des personnes âgées dans des CHSLD, ça sera pas nécessairement les mêmes propositions qu'on va faire à chaque fois, ou dans les écoles, ou dans les CPE. Donc, on pense chaque projet vraiment avec le public en tête, puis on essaie d'avoir un éventail de la diversité des pratiques en art actuel. Donc, oui, on va avoir des œuvres de peinture, de sculpture, mais aussi des œuvres comme des installations photographiques ou des œuvres d'art textile, des œuvres numériques, des gifs animés. On veut présenter vraiment tout ce qui fait partie de la création contemporaine des artistes d'ici, en fait. Super! Puis là, on a entendu parler dans les médias là, depuis quelques jours, voire peut-être près d'une semaine, un projet assez novateur que vous lancez avec une campagne de sociofinancement. Oui, absolument! Donc, on est en pleine campagne La Ruche pour celles et ceux qui sont intéressés à venir l'encourager, ce projet-là. C'est un projet qui s'appelle Colidor. Où l'idée est assez simple. En fait, on s'abonne un peu à la manière d'une revue ou des petits débrouillards pour ceux et celles qui ont le même âge que moi. On reçoit en fait un colis par la poste dans lequel il va avoir une vraie œuvre d'art qui est une œuvre qui a été commandée. C'est une commande qu'on fait à des artistes. On leur donne carte blanche et ils vont produire 1000 exemplaires d'une œuvre. Dans ce cas-ci, on a une artiste de sérigraphie, Marie-France Tremblay, une artiste de Québec qui va travailler avec nous. Et qui a produit 1000 petites sérigraphies que les gens vont donc recevoir par la poste avec des outils de création pour exploiter vraiment ce médium-là, l'explorer, pas juste dans l'idée de c'est pas une boîte bricot là où on a une tâche à faire puis on arrive, on monte une petite maison puis ça y est, c'est fait. On veut vraiment que les gens s'amusent puis explorent de différentes manières. Donc il y a aussi des contenus vidéo qui vont suggérer aux gens comment utiliser cet outil-là. Il va y avoir des entrevues avec l'harpiste. Ils vont être autonomes avec leur expérimentation. Donc, il ne s'agit pas nécessairement... on aurait pu penser, par exemple, ils reçoivent l'œuvre de Marie-France, l'œuvre originale signée, la copie, puis ils pourraient... ils auraient pu, bon, essayer d'en reproduire des variantes, mais ce n'est pas ça du tout. Là. Les gens, ils vont être autonomes avec du matériel de sérigraphie à la maison. Absolument. Oui, on veut que les gens explorent, puis que ça soit soit pour des gens qui ont un intérêt pour ce médium-là de la sérigraphie, mais aussi pour créer des beaux moments en famille, par exemple, ou avec les grands-parents, des moments de création en commun, comme ça, où tout le monde s'essaie avec ce médium-là pour se l'approprier. Puis ça nous permet aussi de mieux comprendre, en fait, les choix que Marie-France a fait quand elle a créé son œuvre. Oui, ben c'est vraiment super intéressant. Puis est-ce que c'est uniquement pour les personnes à domicile? Ou vous l'offrez à d'autres publics? Ben, notre idée avec Collidor, c'était beaucoup de rendre la collection accessible pour des particuliers, parce que l'idée d'avoir une œuvre à la maison, c'est vraiment intéressant. Mais on a monté aussi une version scolaire de ces boîtes-là, donc une version qui va pouvoir être, en fait, beaucoup plus largement distribuée, puis qui va être encore plus accessible là, au niveau des coûts, parce que les écoles vont pouvoir se le procurer puis faire vivre cette expérience-là aux élèves. Donc, il va avoir les œuvres, des outils de création, mais en plus, là, pour les boîtes scolaires, il va vraiment avoir un accompagnement d'une médiatrice professionnelle du musée qui va un peu être là au moment du unboxing, là, de l'ouverture du colis, qui va accompagner aussi la création pour venir l'enrichir, en fait. Génial! Vraiment très, très intéressant. Puis moi aussi, je tenais à ce qu'on aborde dans le cadre de notre petite entrevue votre approche de médiation. Parce que je trouve que vous avez vraiment une approche qui est singulière au niveau, c'est ça, au niveau de la médiation culturelle, au niveau du paysage culturel aussi à Québec puis ailleurs. Ben, on travaille depuis plusieurs années à développer cette approche-là de médiation. Nous, on est un projet nomade, on s'insère dans différents milieux. Donc aussi, l'idée de rendre les œuvres accessibles, c'est pas juste de les amener vers les gens, puis que là, les gens puissent avoir un contact. Ça en fait partie, c'est super important. D'où Collidor aussi, on les envoie par la poste. S'ils peuvent pas, si les gens peuvent pas venir voir des œuvres en vrai, ben ils vont les recevoir à la maison. Mais l'accessibilité, ça va plus loin que ça pour nous. Pour donner vraiment accès à une œuvre, la médiation vient comme accompagner la découverte, l'enrichir. Puis la manière dont on fait ça, nous, on utilise beaucoup le dialogue. Donc, dans notre formule physique, souvent, on va se rassembler en groupe autour d'une œuvre, on va poser des questions, les gens vont pouvoir partager leur point de vue, puis en fait, se nourrir des points de vue de tout le monde. Puis pour nous, l'expérience d'une œuvre, c'est aussi une expérience qui se vit à travers tous les sens, c'est incarné, c'est dans le corps. Mm-hmm. Donc, il y a quelque chose de vraiment important à avoir un accès direct à l'œuvre, puis aussi d'utiliser toutes les façons, pas uniquement le regard, mais qu'est-ce que ça sent, cette œuvre-là, qu'est-ce qu'elle évoque comme son. Donc, utiliser tout le corps au complet pour mieux comprendre les œuvres. C'est vraiment au niveau de la stimulation, puis un peu d'ouvrir une porte chez le spectateur pour qu'il se sente compétent, hein, mm-hmm, dans son appréciation de l'œuvre. Oui, puis ça, c'est vraiment une valeur qui est au cœur de notre projet, la question d'égalité, je dirais, entre les différents... En tant que médiatrice, on n'est pas en train de passer de l'information ou d'avoir la bonne réponse sur l'œuvre ou d'être une experte sur l'œuvre. On est là pour montrer un peu quel genre de rapport on peut avoir autour d'une œuvre. Puis tout le monde, peu importe l'âge, le degré de familiarité avec les pratiques en art actuel, peut en fait vivre une expérience enrichissante si il se sent ou elle se sent à l'aise, se sent compétent devant l'œuvre. Donc, c'est ce qu'on essaie de développer aussi, cette espèce d'égalité des sensibilités puis des intelligences autour de la rencontre avec l'œuvre. Donc, nous, comme médiatrices aussi, c'est super trippant parce qu'à chaque fois qu'on vit une œuvre, on la vit différemment, on apprend nous aussi à travers tout ça. Donc, on essaie de développer ces rapports-là plus égalitaires un peu entre le public puis les œuvres d'art, dans l'idée toujours de donner accès. Puis un peu l'idée de ce canal-là qui va des deux sens, là, entre les personnes qui font la médiation et le public, tout le monde se nourrit, puis tout le monde grandit ensemble, quoi. Oui, et même les artistes, parce que je pense que les artistes qui font partie de notre collection, d'une petite collection de 23 œuvres maintenant, mais les artistes qui, souvent, on va bâtir nos projets avec certaines œuvres de notre collection, certaines œuvres qu'on va emprunter pour ce projet-là. Puis les artistes font aussi partie de la grande famille du musée, qu'on aime dire. C'est-à-dire qu'on va créer des canaux de communication entre, par exemple, si on va dans une école, puis les enfants apprécient beaucoup une œuvre, mais ils ont des questions, ils veulent savoir sur cette sculpture de céramique-là, si tu de la glu ou c'est quoi exactement qu'ils ont vu. Ben, on va demander à Lauriane, l'artiste qui a réalisé l'œuvre, on va lui envoyer une petite vidéo d'un enfant qui lui pose la question, est-ce que c'est de la glu? Et Lauriane, dans sa grande générosité aussi, nous renvoie des petites vidéos réponses pour les jeunes. Fait que ça crée aussi un contact vraiment intéressant entre le public puis les artistes qui, je pense, ont vraiment une belle occasion là, d'avoir un contact avec des gens. C'est rare, en fait, qu'elles ont l'accès à leur public autant que ça. Ouais. Puis le jeune public en particulier est un public qui est hyper curieux, engagé, généreux. Puis c'est pas tous les artistes qui peuvent dire que, par exemple, il y a 5000 enfants qui ont passé une demi-heure, en fait, à parler devant leur toile, comme un de nos artistes, Olivier Dessert, qu'on a amené son œuvre partout. Il y a des enfants, des ados un peu partout à travers le Québec qui ont passé une demi-heure à se questionner, à savoir qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que ça représentait. Donc, c'est un engagement qui est vraiment riche, puis duquel aussi, je pense que les artistes retirent aussi beaucoup. Bien, certainement, parce que souvent, les artistes ont fait le travail dans l'atelier. On est dans notre petit monde, dans notre intuition, notre sensibilité. Après, on accouche l'œuvre. On la met, on la présente, puis on n'est pas nécessairement là pour être témoin des réactions des spectateurs. Donc, vous faites vraiment un super pont entre la communauté artistique, les artistes eux-mêmes et leur public dans votre mission de démocratiser là. Oui, puis je pense en fait qu'avec Colidor, on vient faire ce pont-là au complet parce qu'avec la commande d'œuvres, les artistes travaillent dès le départ dans ce processus-là, jusqu'à ce qu'on amène l'œuvre chez les gens. Fait que c'est un peu sur tous ces fronts-là qu'on travaille. Puis ceux et celles qui sont curieux d'en apprendre plus, ben ils peuvent aller visiter notre site web ou nous suivre sur les médias sociaux. Certainement, vous suivre sur les médias sociaux et aller faire un petit tour donc sur La Ruche. On peut chercher Colidor puis aller explorer ce nouveau projet qui est en train de naître. Alors, merci pour votre écoute. C-K-R. Je suis une voix. Je suis un message. Communication et culture. CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. L'Ampli de Québec, Association canadienne pour la santé mentale, filiale de Québec. Édition Continuité, Alliance Arc-en-Ciel de Québec, La Baratte. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Théâtre pour pas être tout seul est heureux de vous présenter le balado Haut-du-Lac. Deux meilleurs amis partent en road trip dans le Haut-du-Lac-Saint-Jean à la recherche de leurs racines familiales. Maudit que t'es cute, toi! Toi, là, tu crois n'importe qui fait semblant d'être gentil. Présenté en primeur sur les ondes de CKRL les 5, 12 et 19 octobre durant l'émission Les Enfants du Paradis. Appelle-les donc sauvages d'un café. Haut-du-Lac, c'est un balado de fiction en 3 épisodes. C'est une histoire que nous voulons vous raconter. Une diffusion du théâtre Premier Acte en collaboration avec CKRL et Première Ovation. Audiolite. Amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca. Choisir ÉricLamirande.ca, c'est miser sur l'expertise de Éric Lamirande ainsi que sur son équipe de collaborateurs professionnels. On vous offre des services de consultation, accompagnement et formation dans les domaines suivants. Marketing web et réseaux sociaux, commerce électronique, virage numérique et outils technologiques d'affaires. Pour les travailleurs autonomes, les petites entreprises, les organismes et l'économie sociale. Notre but, vous aider à avancer et vous rendre plus autonome. Contactez-nous au 88-454-1019 ou à ericlamirande.ca. Optez pour un mode de consommation responsable tout en encourageant l'économie locale. C'est ce que vous propose la brasserie artisanale La Korrigane et les boutiques La Récolte. Pour tout achat de 20$ et plus dans l'une des deux boutiques La Récolte, vous recevrez un jeton de 2$ valable pour un cruchon d'un litre de bière à La Korrigane. Et parce que nous aimons bien faire les choses, même nos jetons sont fabriqués de façon éco-responsable, à partir de filets de pêche qui auraient autrement fini à la poubelle. La Korrigane, 380 rue Dorchester. Alerte rouge. La propagation de la COVID-19 est à un niveau critique dans votre région ou une région à proximité. Les rencontres d'amis ou de famille sont interdites et les déplacements vers d'autres régions sont non recommandés. Des mesures plus restrictives et ciblées ont été mises en place pour freiner la propagation et éviter un reconfinement. Informez-vous sur québec.ca/coronavirus. Continuez de vous laver les mains, de garder une distance de 2 mètres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. On doit réagir maintenant. Un message du gouvernement du Québec. Bonjour, Mathieu Valade. Bonjour. On se trouve actuellement à la Chambre Blanche où tu fais une résidence en vue de l'exposition qui va commencer cette semaine à la Galerie 3, si je ne me trompe pas. Exactement. Oui, c'est comme les dates étaient arrangées ainsi, là, j'ai consacré toute la résidence à travailler sur des pièces qui vont soit les terminer ou d'autres ont été commencées ici aussi. À cette exposition-là qui va avoir lieu à la Chambre Blanche, C'est mal, hein? À la Galerie 3, à partir de samedi prochain. Et donc, tu as des pièces qui sont plus technologiques. J'imagine que c'est plus pour ces pièces-là que tu avais l'avantage de te trouver ici, à la Chambre Blanche, pour les produire, pour les terminer. Quelles sont les technologies que tu as utilisées ici? Ici, je sais vraiment de la captation vidéo et du montage. Mais c'est surtout un temps d'arrêt dont j'ai bénéficié. Ouais. Un temps où je me suis consacré que à ça, en dehors de la maison, en dehors des obligations du quotidien, pour à la fois terminer certaines pièces qui sont des aquarelles, puis installer d'autres qui sont plus sur un mode d'installation vidéo là, qui fonctionne plus qui fonctionne plus avec justement des outils technologiques vidéo, mais d'autres aussi qui sont destinés à d'autres usages comme des grandes enseignes Odell. Donc parlons de ces grandes enseignes Odell. On vient de faire un tour un peu des différentes pièces qui sont dans la galerie ici à la Chambre Blanche. Les enseignes, ce sont des enseignes qui sont faites pour être vues de loin, qui sont principalement utilisés à l'horizontale. Et toi, tu viens un peu détourner tout ça pour les présenter à la verticale. Et elles peuvent être vues de loin et de près en même temps. C'est quelque chose qui est vraiment central puis fondamental dans ta pratique, ce jeu de se rapprocher, de s'éloigner, de perdre un peu le sujet qui est représenté dans l'œuvre. Mais il y a effectivement beaucoup de pièces que j'ai faites dans le passé qui fonctionnent sur ce principe-là, de perdre la définition plus qu'on s'approche, soit par des jeux vraiment physiques là, avec des verres dépolis, où ce que plus on s'approche, plus c'est le dépoli du verre qui nous apparaît, donc l'objet qui est derrière nous est caché, ou avec des jeux carrément optiques, là, avec des aquarelles aussi que j'ai fait dans le passé, qui utilisaient cette technique-là de un genre de pixelisation de l'image qui offre un motif quand on est proche et qui, lorsqu'on est loin, nous offre un ensemble qui est plus cohérent en tant qu'image. Et ces panneaux-là, le motif qu'on voit quand on est près, c'est vraiment la fragmentation de la lumière en différentes couleurs? Absolument. C'est les lumières du prisme qui sont reproduites là, par des dés, vert, bleu et rouge. Et quand on est à 1 mètre, on voit que ça. On voit que des petites lumières qui clignotent et puis ça n'a aucune cohérence visuelle. Et quand on prend du recul, quand on est à quelques mètres, ben là, on décèle l'image, qui est une image très très simple. Toutes les images qui sont dans l'exposition sont des espèces de paysages. L'exposition s'appelle « Paysage par point » parce que c'est une exposition qui met vraiment en avant le dispositif de monstration. Avec ces grandes enseignes-là, plus tard on va parler des aquarelles qui fonctionnent aussi par un système de pixelisation et une autre vidéo. On est vraiment dans... J'ai perdu mon fil. mais une chose que je voulais savoir, c'est d'où est-ce que ça t'est venu, cette idée d'utiliser justement ces enseignes-là? À quel moment t'as fait « oui, c'est ça que je veux ». C'est très simple. Chez nous, il y a un pont, quand on le traverse. À l'entrée du pont, le pont du Buc, il y a une grande enseigne comme ça, là, qui dit « l'Auto-Québec, le gros lot ce soir, machin truc, COVID-19, mettez votre masque ». Et moi, ça, je trouve tout le temps ça fascinant. C'est des immenses télés. C'est la même technologie que la grosse écran au Forum de Montréal, oui, dans le temps. Là. C'est, mm-hmm, c'est une technologie qui s'améliore de plus en plus. Hein. Puis la compagnie qui m'a gentiment prêté les équipements, au début, ils voulaient m'en prêter des plus performants. Puis moi, je voulais ceux avec les gros Dell. Je disais, mais non, mais j'en ai des meilleurs. Puis moi, je veux ceux avec les gros Dell écartés. Puis il dit, OK, c'est toi l'artiste, mais c'est dans ce but-là que c'est intéressant, tu sais, c'est le même jeu que le pointillisme ou que l'impressionnisme en peinture, mais c'est le jeu de l'enseigne. Oui. Quand on voit une affiche sur le bord de la route, là, quand une affiche qui est collée là, sur un panneau, les pixels font au moins un pouce. Mm-hmm. L'afficheur qui met les panneaux, lui, il voit pas l'image qu'il est en train de mettre. Il sait parce qu'il y a des points de repère, mais... Fait que c'est ce jeu-là que je veux mettre de l'avant dans ces dispositifs-là. Mais aussi avec toutes des images qui appellent le paysage. Donc, c'est tous des éléments de paysage. Puis les éléments de paysage, ben c'est des images de la nature qui sont traditionnellement en fait pour susciter là, une émotion, soit une émotion du pittoresque ou une émotion du sublime. Puis là, ben, on est dans ces jeux-là où on peut se laisser absorber par l'image, mais le dispositif est tellement gros puis il est tellement présent qu'on est tout le temps ramené au dispositif. Fait qu'on est tout le temps dans cette espèce d'aller-retour-là entre l'image qui nous donne envie d'entrer dedans, qui est fascinante, puis le gros machin qui fait du bruit, qui brille, on voit les scintillements de chacun des points lumineux, on entend les ventilateurs en dedans qui font du bruit. Puis c'est la même chose aussi pour les autres œuvres là, qui sont dans l'expo, mais peut-être dans une échelle plus délicate, mettons. Là. Oui, donc parlons d'une autre œuvre, justement, c'est deux téléviseurs avec un bouillon de nuages sur un fond très, très sombre. Et il y a la répétition, comme une réflexion de la même image, un aller-retour aussi. Puis on en parlait avant de débuter l'entrevue. Cet aller-retour, dans la vidéo, il est important pour toi. Pourquoi? Ben déjà, l'idée de faire un paysage avec la vidéo, il y a quelque chose qui touche à la notion du temps, parce que la vidéo capte un lieu dans le temps. Là, après ça, c'est un paysage qui est vraiment un collage. Hein. J'ai pris une vidéo, j'ai pris une photo que j'ai collée ensemble, et j'ai inversé l'image sur un autre téléviseur. Comme si on voit un reflet dans un lac, un jour où le lac est très très calme, on a le reflet de la montagne par exemple, ou des nuages qui vont se réfléchir dans l'eau du lac, puis ben on peut avoir quasiment un miroir parfait comme ça. Donc mon pari, c'était en renversant l'image dans un autre téléviseur, d'avoir cet effet-là. Puis au début, c'était que l'espèce d'image des nuages comme ça qui bouge en accéléré. Et puis il y a quelque chose de contradictoire parce que le nuage ne peut pas se bouger comme ça aussi rapidement puis que l'eau reste plate comme un miroir. Fait qu'il y a comme une espèce de non-sens dans l'image comme ça. Donc en renversant le téléviseur, on a l'image et son reflet. Mais je crois qu'il manquait un élément pour déclencher l'idée du paysage. Parce que dans le fond, c'est une construction de paysage. C'est pas du tout un paysage. C'est deux télés qui présentent des images. Puis là, en mettant toutes ces images-là ensemble, le dispositif invente un paysage. Donc, j'ai collé une petite tranche d'arbre qui vient d'une photographie. Et puis, dans le bas du téléviseur du haut, dans le haut du téléviseur du bas. Donc, ça vient faire cette, c'est une lisière d'arbre qui est à la fin. Et ça a l'air d'un collage. Donc, il y a quelque chose qui fait très bricolage dans cette vidéo-là que j'aime beaucoup. Donc, et là, on vient à voir, je pense, ce paysage-là inventé. Là, le côté bricolé. Le côté factice, le côté bricolé, le côté découpé dans une revue, puis mettre des choses ensemble, puis... ludique. Ouais, oui, c'est le jeu du collage, là, comme un peu surréaliste, mais qui vient rappeler un élément là, qui est très classique, finalement, dans la peinture, dans l'image. Puis ça, c'est un autre enjeu aussi, l'idée de faire un tableau paysage en vidéo, parce que ça pose un problème, le problème du temps, ça pose le problème de la boucle, parce qu'il faut bien qu'on revienne au début à un moment donné. Et je trouve que la marge est mince, puis c'est là que ça devient intéressant. La marge est très mince entre le screensaver, l'image jolie qu'on nous met pour économiser l'écran d'un ordinateur, et un tableau, là, surtout s'il n'y a pas de personnage. On n'est pas dans un tableau vidéo, on est dans un paysage vidéo, fait qu'il y a vraiment quelque chose qui est très fragile entre l'utilitaire puis l'art, mettons. Mm-hmm, c'est là que ça loge dans cette installation-là de deux tableaux, là, de ce diptyque-là, mettons, vidéo. Hein. Et ce qui est intéressant aussi avec ce diptyque-là, c'est que les téléviseurs sont à la verticale, donc il y a quelque chose de très... de vis-à-vis du corps aussi dans l'expérience qu'on fait de l'œuvre. Oui, le format est très anthropomorphique, là, ça fait à peu près 6 pieds. On a un format humain, puis effectivement, ils sont à la verticale, puis c'est un téléphone. Tout ce qu'on voit comme image, les images instantanées, là, c'est, ouais, à moins qu'on soit sur Instagram où le format choisi est carré. Les stories, les TikTok, ouais, et compagnie. Là. C'est du vertical, parce que la machine, elle marche de même. C'est comme ça qu'on filme, c'est comme ça qu'on est en train... On est en train de migrer dans un mode de perception à l'horizontale, en paysage, à un mode portrait. C'est très typique de notre époque. On est vraiment à l'époque des selfies, des égaux portraits. Donc, ça fonctionne dans ce sens-là maintenant. Puis, je trouve ça intéressant de le mettre comme ça, parce que là, en mettant deux, on a vraiment le format d'un humain. Mm-hmm. Et puis, là, j'ai vraiment eu plein d'idées. Là. Je me suis dit, la prochaine fois, ça ne sera pas des paysages, ça va être des portraits de gens debout. Là. On dirait que ça l'appelle ça, ce format-là. D'accord. En réflexion, comme des personnages de jeux de cartes. Ah, peut-être. Ah, ben là, c'est ton idée, il va falloir que tu la fasses. Et Mathieu Valland, si on parle de tes aquarelles, qui est le troisième œuvre que j'ai eu l'occasion de voir ici à la Chambre Blanche, ces aquarelles sont des aquarelles réalisées sur un mode de pixels. C'est presque des camailleux. C'est un procédé qu'on a déjà retrouvé dans ta pratique, mais là tu le transformes, tu l'amènes ailleurs. Oui, j'ai déjà fait des aquarelles qui étaient sur un mode de pixels, mais c'était quelque chose de beaucoup plus maîtrisé. Mm-hmm. Mais dans le sens voulu, c'est-à-dire que où je travaillais avec des caches pour que les... C'était pas des pixels, là, c'était des losanges qui formaient des cubes. Et puis ça formait un motif de cubes qui s'enchevêtraient les uns dans les autres, qui étaient de couleurs différentes. C'est ça qui rendait l'image globale. Et là, j'ai voulu y aller vraiment à la main. C'est-à-dire à main levée. On voit le papier qui boit. On voit le papier qui boit. On voit que la frontière entre les couleurs... c'est le coup du pinceau, fait que parfois elle est franche, parfois elle est un petit peu baveuse, parfois elle est... et c'est ça qui compose chaque carré. Je me suis aidé avec une trame là, que j'ai installée en transparence. Et là, le jeu que j'activais, là, c'était de faire un dessin d'observation avec de l'aquarelle. Donc, à partir d'une photo, essayer de rendre cette photo-là avec les lumières justes, mais en très basse résolution. Mm-hmm. Fait que c'était... Donc, tu ne t'es pas aidé de photographies pré-pixelisées, là? Non, non, non. Je suis parti de... Puis même, je regardais. Après, ça n'a pas l'air pantoute de ça, une photographie pixelisée de nuage. Je trouve les miennes beaucoup plus... Je trouve que les miennes sont plus proches de... On dirait que avec l'ordinateur, les tests que j'ai faits par après, là, oui. On dirait que les ordinateurs rajoutent de la pixel qui n'existe pas dans l'image pour cerner des formes, pour qu'on comprenne ce que c'est. Alors que je fais pas ça dans les aquarelles que je présente ici. Des fois, il y a vraiment des dégradés de petits carrés. C'était là mon intérêt. Là. C'était de faire du... de l'observation en basse résolution. Puis de jouer le jeu que ce serait moi, l'ordinateur ou l'appareil photo cheap qui serait pas capable de rendre la bonne résolution, mais tu as toute la forme, tu as toutes les bonnes lumières aux bonnes places. Mais bon, après, il y a un glitch, puis le glitch, ben, c'est la limite de ma technique. Je suis pas un ordinateur, donc évidemment, des fois, on va sentir... Puis surtout dans les premières, là, on va sentir des fois, il y a une espèce de trame une trame de carré bleu qui n'a pas tout à fait sa place là, parce que je voulais faire l'ombre du nuage sur lui-même. Puis mais je le trouvais intéressant, ce glitch-là, justement. C'est une trame. On le sent, là, quand on est de loin, on sent que c'est l'ombre, mais quand on est de proche, on se dit, mais qu'est-ce que ça vient faire dans l'image? Il y a cette espèce de tension-là entre... l'image de loin, l'image de proche, mais l'espèce de parfois de maladresse qui vient rehausser finalement ce qu'on est en train de voir. Et qui vient humaniser aussi un peu le processus de vouloir devenir robot finalement. Effectivement, oui, je suis pas une machine parfaite encore. Pas encore, ça s'en vient. Ces imperfections là qui se placent dans l'image que ben moi, je pense qu'ils donnent leur intérêt à ces images-là. Oui. Vraiment. Okay. Oui, tout à fait. Mais, et pour terminer, on va parler rapidement de cette œuvre que je n'ai pas vue en vrai, qui a pris forme dans l'atelier de François Simard. C'est quelque chose qui vient un peu, qui vient s'éloigner du corpus actuel. Donc, on dirait que tu trouves comme une nouvelle piste d'exploration, Mathieu Vallade? Une nouvelle ou une vieille, c'est une... Pour moi, c'est tout le temps des transitions. Hein. C'est tout le temps des dégradés. C'est un imprimé. C'est des motifs qui viennent du temps où je m'étais mis à faire des miroirs gravés avec des motifs qui étaient composés de logos. Des logos de compagnie, des pictogrammes, des petits dessins très simples à reconnaître. Et donc, tout le monde reconnaît soit... la compagnie à laquelle ça réfère ou à l'usage à laquelle ça réfère. Puis, je les agence en motifs décoratifs. Donc, on peut penser de loin que c'est une arabesque, on peut penser que c'est un motif en losange. Dans ce cas-ci, c'est un motif qui est une inspiration d'un papier peint baroque. Donc, essayer de reproduire le motif floral, mais avec des logos d'Adidas, de British Petroleum, de Lacoste, Playboy, plein de logos qui sont très parlants. Tout le monde sait c'est quoi l'arche de McDonald's, tout le monde sait c'est quoi. Donc, on s'en réfère, puis on le voit, la vague de Coca-Cola. Et tout ça construit une espèce d'ensemble, finalement, où chaque motif, chaque partie, ben, on la reconnaît, mais dans l'ensemble, ça se fond en une espèce de... Si on est de loin, encore une fois, on a l'impression d'un motif qui peut être presque floral, ou qui dans sa répétition, va évoquer l'espèce de papier peint décoratif baroque. Donc là, c'est dans ce coup-ci, c'est imprimé sur toile. Puis ben, la toile, elle est mise en scène, c'est-à-dire que c'est pas juste une toile qui est sur un faux cadre qui est tendu, c'est une toile qui est plissée, qui est installée dans le cadre comme si on n'avait pas porté d'attention à comment elle était placée, donc qui révèle sa valeur aussi textile en étant comme ça dans le pli puis dans le pli et le repli. Donc, la matérialité un peu du support, puis on en parlait aussi, ça vient référer au drapé aussi. Ça réfère au drapé. Mm-hmm. Moi, je trouve que ça. Moi, je la trouve très théâtrale, cette pièce-là. Je trouve qu'elle est mise en scène. Elle n'est pas. C'est pas seulement une toile, c'est une toile dont on a placé chaque pli, qu'on a décidé quel pli allait s'accoter dans la vitre du cadre. Chaque élément est placé, est choisi, puis est mis en scène, finalement. En collaboration avec toi, Mathieu Vallade et François Simard. Avec l'aide de François Simard, qui a joué le jeu en tant que mon encadreur de prédilection, qui a joué le jeu avec moi, puis qui m'a aidé aussi à ce que ce soit, pérenne, puis que ce soit aussi présentable sur un mode d'une qualité impeccable. Mais pour terminer, on parlait de logo de compagnie. Oui. Et je sais que les panneaux là, en lumière LED que tu utilises, c'est des éléments qui sont extrêmement coûteux. Et puis, tu as eu un bon coup de main d'une compagnie pour t'aider dans cette œuvre-là. Oui, j'ai eu la chance d'être commandité par la compagnie Enseigne ESM de Jonquière, qui a aussi des bureaux à Québec. Donc, je voulais les remercier pour le prêt d'équipement. C'est ce qui rend possible la réalisation de cette œuvre-là, là, qui est le support de cette entreprise. Puis, ben, c'est précieux. Puis, c'est une très belle relation qui, j'espère, durera un bon moment. Ben, c'est à moi de te remercier maintenant, Mathieu Vallade, pour cette belle entrevue. En train de remonter la montagne, j'ai brisé mon visage et je dois en payer la peine. Une de mes lèvres, elle est gonflée comme la lune rouge, c'est pas vraiment le fun. J'ai brisé mon visage quand j'ai essayé de faire tout vélo complètement sous après quatre pichés bout tout seul. Peut-être ce n'était pas une bonne idée. Je suis ici pour te dire que c'est tellement vrai. C'est tellement vrai, il faut marcher, prendre le métro. Si c'est loin, on peut aller cab. Sans son vélo, ça marche pour la journée. Dans la nuit, on va briser son visage. Vous êtes toujours à l'écoute de l'Aérospatiale, votre magazine sur les arts visuels à Québec. Myriam Leland et Jean-Tierre Lafrance. Pour cette fin d'émission, on essaie toujours de vous faire un agenda de la semaine malgré la situation. Alors, cette semaine, qu'est-ce qui se passe, Jean-Tierre? Bien, c'est dans les galeries, puisque les galeries privées peuvent continuer à ouvrir leurs portes. Donc, ce vendredi 16 octobre, débute l'exposition de Mathieu Vallade à la Galerie 3. Et c'est la dernière semaine pour aller voir l'exposition de Jean-Pierre Larocque à la Galerie Michel Guimond. Donc, on a jusqu'à dimanche le 18 octobre pour aller voir cette très belle exposition. Puis, il y a toujours toute l'art public qui se trouve, toutes les œuvres d'art public qui se trouvent dans la ville de Québec. On a encore le temps d'aller marcher et d'être confortable. Donc, oui, profitez-en. On s'habille, on profite des beaux feuillages d'automne, oui. Et on profite des œuvres d'art public. Là, il y a un répertoire sur le site de la ville de Québec où on peut retrouver toutes les œuvres d'art public. Avec des petites explications, tous les détails sur l'œuvre et l'artiste. Puis c'est également un répertoire qu'on peut retrouver sous forme papier. Là, exact. Je me rappelle l'avoir vu dans les librairies Pantoute. Oui, à Méduse, je pense. C'est ça. Qui est fermé actuellement, donc ça ne sert à rien de le dire. Bon, ben c'est ainsi que se termine cette édition de l'Aérospatiale. Myriam, comme à chaque semaine à la maison, vous pouvez rattraper l'émission en balado-diffusion. On la met sur notre page web au CKRL... C'est l'aérospatialecrl.wordpress.com. C'est aussi le meilleur moyen de savoir ce qui se passe dans l'actualité des arts visuels à Québec. Vous cliquez sur l'onglet calendrier des expositions en haut. On n'a pas enlevé les expositions qui des lieux qui sont fermés en ce moment, mais on a un bel aperçu de ce qui se passe en ville pour en ce qui concerne les arts visuels. Et ben, on vous invite évidemment à nous suivre sur notre page Facebook. Oui, un grand merci à Mathieu Valade qui s'est entretenu avec Gentilhanne, à notre chroniqueuse la semaine, Héloïse Plamondon-Pagé, ainsi que son invitée, Sarah Bélanger-Martel. Merci à toi, Myriam, pour ta chronique. Ben, merci à toi, Gentilhanne, pour ta co-animation de rêve. Et un salut spécial à notre Turner de la mise en onde qu'on a hâte de retrouver en studio encore, Jacques Gignac. Bonsoir. On se laisse, sur encore l'album Blurred Visions du groupe montréalais Natation. Et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir. En balado-diffusion. CKRL. Choisir ÉricLamirande.ca, c'est miser sur l'expertise de Éric Lamirande ainsi que sur son équipe de collaborateurs professionnels. On vous offre des services de consultation, accompagnement et formation dans les domaines suivants. Marketing web et réseaux sociaux, commerce électronique, virage numérique et outils technologiques d'affaires. Pour les travailleurs autonomes, les petites entreprises, les organismes et l'économie sociale. Notre but, vous aider à avancer et vous rendre plus autonome. Contactez-nous au 88 454 1019 ou à ericlamirande.ca. Vous avez besoin de réponses ou de conseils financiers? Vous n'arrivez plus à soutenir la pression de vos dettes? Communiquez avec Jean Lelièvre, syndic en insolvabilité, pour une consultation gratuite. Nous avons une solide expertise tant au niveau commercial que personnel. Nous vous accompagnerons de façon personnalisée, respectueuse et confidentielle sur le chemin de la réorganisation financière. Retrouvez la paix d'esprit et le chemin de la liberté. JeanLelièvreSyndic.com. Pour mieux vous servir, nous avons deux bureaux dans la région, à Québec et Lévis. 88 653 5553. Tu aimerais améliorer ton français écrit? Apprendre à lire? Prendre part à une création théâtrale? Suivre des ateliers d'initiation à Internet, iPad, Facebook, Excel ou Android? Réintégrer le marché du travail si tu es prestataire du programme d'aide sociale? Participer à des ateliers de francisation? Le cœur à lire. Pas de gêne, pas de stress. 88 841 1042. J'aime le matin. le lever du soleil, les cheveux emmêlés, les rues désertes, le café, l'odeur du pain grillé, les bonjours, les sourires, l'actualité, la radio. Dans le fond, la Cour suprême a déjà statué que le président pouvait être poursuivi. Les matins éphémères, en semaine de 7h à 9h. CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. Monnaie locale complémentaire Québec. Production Rhizome. Festival de cinéma de la Ville de Québec. Société de la Rivière-Saint-Charles. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager.